Clément. Bonjour Tenaille. Hey, bonjour Jack. Ça n'arrive pas souvent, mais on est quand même au troisième jour pour enregistrer une troisième capsule. C'est assez rare quand même. Non, mais bon, c'est toujours un plaisir de te retrouver quand même. Ça, c'est le matin. Surtout que pour le coup, t'étais prêt avant moi là. T'étais vraiment en mode, je suis prêt, je suis réveillé. Ouais, j'étais encore un petit peu en train de décoller mes yeux, mais ça va. Non, mais c'est déjà ça. On est là pour se retrouver pour parler donc à nouveau d'un groupe, qui est déjà venu au Hellfest, qui est venu en 2018. 2018, d'accord, ouais, d'accord. Donc sache qu'à l'époque, on les a chroniqués dans la saison 2, épisode 12. Ah, d'accord. Donc, saison 2, ça devait être en 2018. Et tu vois, je suis pas à l'aise quand même. Bah, des fois, on peut se demander, mais là, on est pas mal. Et c'est Bob qui était tombé dessus. Alors, j'ai pas fait l'effort d'aller réécouter, mais j'imagine à peu près ce qu'il a pu en penser, vu le style du groupe. Et cette année, donc, ils vont venir jouer en Main Stage 2 le vendredi. Main Stage 2 le vendredi. Voilà. Donc ça, c'est pour un petit peu contextualiser. Et en fait, ça y est, ça me revient. J'ai choisi ce groupe moi parce que je m'en souvenais vaguement en fait. Je connaissais le nom, mais je m'en rappelais plus trop de ce que c'était. Et je me suis dit, ah bah tiens, ça va être l'occasion de pouvoir me remémorer bien ce que c'est comme groupe. Et je me dis, je vais me servir des capsules de Tenaille pour moi-même me plonger ou replonger dans le groupe. Petit malin. Ah bah c'est un peu ce que je fais. Mais avant d'attaquer tout ça, est-ce que tu n'aurais pas un petit générique? Un petit générique? Alors attention, est-ce que t'en as préparé un? Non. C'est parfait parce que sinon j'allais te dire, stop, tu prépares pas. Ah zut. Ouais, il y a quelqu'un au boulot qui m'a dit que... Attention. Alors, ne le prends pas. Avis très important à prendre en compte, sûrement. C'est pas ça que je dis, mais il a dit, oh, c'est un peu moins bien. Lesquels, les derniers? Alors, moi, j'ai quand même pu dire, il y en a beaucoup aussi, Moins bien? Non, il y en a beaucoup. Là, sans déconner, on en a fait, combien? On en a fait 40 l'an passé? L'année dernière, 40, ouais. 40? Là, on était déjà. Bah, là, on en est à 60, Ouais, donc c'est. Ça va, quand même. Bah, ouais. Ils sont marrants, les gens. Et sur les 60, il n'y en a pas eu tant de préparer. J'ai pas souvenir d'en avoir préparé tant que ça. Mais je pense que c'est peut-être ceux-là qui marchent moins bien. Ah ouais? Mais je pense qu'en fait, il faut que tu fasses confiance à ta folie et à ton génie. Ouais, c'est clair. Donc, Tenaille. Yes. Prépare-nous à l'instant T. Petit générique. Un petit générique. Le petit générique du matin. Quel génie. Effectivement, je suis un génie, mais on n'était pas là pour parler de moi. Donc, on va pouvoir parler d'un groupe, un groupe anglais, sache-le, qui nous vient donc du Royaume-Uni et qui s'est formé, enfin qui est actif plutôt depuis 2003. Il progresse dans un métal progressif, mais c'était pas dans un groupe un peu donc à des velléités techniques, à savoir qu'ils font du métal progressif, de l'ambient, du rock expérimental et un peu de djent. Donc c'est un groupe un peu de djent. Ok. Je savais que t'allais bugger là-dessus. Pourtant, il y a un peu beaucoup. Ah d'accord. Ok. Pardon. J'ai cru que t'allais me dire. Je vois pas ce que c'est le djent. Non. Oui, un peu beaucoup. Ils sont. Bah c'est même. On va en parler, mais c'est vraiment une de leurs principales inspirations. Mm. Sachant que la vraie principale inspiration, c'est Meshuggah. Ok. C'est en fait le. On va en parler vite fait, mais à la base du projet, le gars disait clairement. Enfin, il leur dit aujourd'hui clairement. Non, mais moi à la base, je voulais plagier Meshuggah. Ah en fait, oui. Il le dit un peu de cette façon-là. Ah mais... ok, d'accord. Et du coup, est-ce que t'as une idée du groupe dont on va parler? Il me semble, ouais. Ça m'est reviendu. Eh ben, je t'en prie. Tesseract. Effectivement, on va parler de Tesseract. Et tu vois, ce qui est bien avec ce petit extrait, je trouve, c'est qu'on a vraiment un peu l'essence de tout ce que fait Tesseract. Ouais. Et puis t'as bien choisi, t'as vraiment les deux choses. Ouais, voilà, oui, les deux choses, oui. Voilà. Je crois qu'on va un peu tomber d'accord. Donc comme je disais, Tesseract est un groupe anglais, on va dire principalement de gent, qui est très souvent typographié Tesseract avec un T majuscule au début, un T majuscule à la fin. Ça c'est un truc, voilà. Et il faut que tu le saches, je ne sais pas si tu es prêt, mais il n'y a aucun lien avec Avenger. C'est pas... sérieux. Ouais, aïe. Zut. Par rapport au T. Bah oui, je m'étais bien dit, ouais. Non, enfin, je sais. Allez, attends, je te dis ça. J'ai regardé tous les Avengers en me disant, ils ont bien placé un morceau quelque part. Mais attends, alors par contre, ça se trouve, le nom vient de là. Hein. Par contre, le nom peut-être. Bah, du coup, ça fait pas zéro lien. Du coup, dans le doute, je vais pas. Okay, bon. Donc, c'est un groupe de britannique originaire de Milton Keynes et formé en 2003. Et il est crédité comme l'un des principaux groupes du mouvement gent et de la scène metal progressive. En fait, ce qui se passe, c'est que à la base, c'est Akel Kinney qui travaillait un petit peu, comment dire, il autoproduit tout seul chez lui des morceaux, c'est qu'il les interprète. Il les mettait en ligne ses compos sur un forum internet et sevenstringpa.org, un peu à la même manière, je sais pas si tu te souviens, j'en avais déjà parlé de ça, de Periphery et tout ça qui avait fait la même chose. Okay, guitariste s'était fait un peu connaître comme ça. D'accord. Tu vois, Misha Mansour, il avait fait ça aussi. Mm-hmm. Et il y a aussi Paul Ortiz de Shim Spammer et John Brown de Monuments. Donc c'est des gens qui sont un peu commencés par cette manière-là de une espèce de communauté de producteurs guitaristes solo. Okay, okay. Et déjà à l'époque où il a posté ses morceaux, il a été dès le début il a été remarqué par quelqu'un. Exactement, il a reçu les encouragements de Frederick Thordendal, le guitariste de Meshuggah. Donc dès le début il a eu ça, ouais. Carrément. Ouais, dès le début. Donc il s'est fait un peu connaître comme ça. De là, il a décidé de faire son groupe. Donc il a pas tant de changements de membres que ça dans le groupe, donc ça va pas être très intéressant. Mais sache que dans les débuts du groupe, entre 2004 et 2006, il y avait le chanteur Julien Perrier qui est français. D'accord. C'est lui qui chantait. Okay. Et il assurait la voix, mais comme à cause de la logistique et de la distance, bon, bah ça a été un peu trop difficile. Donc ah zut. Il a sauté. Ah dommage. Ouais, il y a eu un autre chanteur, je crois, derrière. En 2009, il y a eu encore un changement de chanteur, mais cette fois, il y a eu l'arrivée de Daniel Tompkins, qui écrit, enregistre le chant sur le premier EP. Il est pas français, lui, je pense. Non, mais j'en parle, lui, parce qu'il va avoir une importance par rapport au groupe. Après, les autres membres, ils sont aussi importants, mais ils sont moins mis en avant que Akel et que Daniel. Donc en 2009, c'est là où ils se séparent de l'ancien chanteur, donc pas le français, mais encore un entre deux, et ils récupèrent Daniel. Ils enregistrent le premier EP qui sort le 12 octobre 2010. D'accord. Et le premier album le 11 mars 2011. Ok. Donc ils ont enchaîné les deux assez rapidement. Direct. En 2010, ils partent pour une tournée promotionnelle donc avec Devin Townsend et participent, ça m'a fait rire, au Great Indian Rock Festival en Inde, et après il participe au The League of Extraordinary Gentlemen avec Periphery et Monument. Ah, ça me faisait donc le lien est un peu. Ouais. Tu vois, des mecs qui viennent tous de la même communauté en ligne. Mais c'est écrit Gentlemen ou Gentlemen? Gentlemen. Gentlemen. Gentlemen. C'est pour ça que ça me faisait rire. Donc en le 20 août 2011, donc là je te rappelle, hein, album fin octobre 2010. Ouais. Début 2011, et 20 août 2011, il y a des rumeurs qui circulent sur le départ du chanteur Daniel Tompkins. Ah ouais, parce qu'il... Attends, écoute les rumeurs, parce que il y a des rumeurs parce qu'ils ont vu Tesseract qui était monté sur scène avec un autre chanteur. ce qui est pas mal comme début de rumeur. C'est trop une rumeur du coup. Ouais, et du coup, effectivement, ils ont confirmé ça le 23 août en présentant leur nouveau chanteur en disant que Daniel était parti. Et lui, il est parti chanter dans deux autres groupes et de son côté, il développe son propre projet à lui. D'accord. On sait pas trop pourquoi, on s'en fout. En 2012, donc Tesseract annonce le départ du nouveau chanteur. Ouais. Et ils en prennent encore un autre en attendant. Okay. Et le 27 juin 2014, Tesseract annonce leur séparation de 7e chanteur et le retour de Daniel Tompkins. Ok, d'accord. Voilà, donc depuis 2014, ça a plus trop bougé de ce côté-là, mais voilà. Ok. Donc, ça, c'est ce qui se passe. Après, ils sortent des albums. J'ai pas mis les albums là, je les ai mis plus tard. Là, c'est pas très, très, très... que je retrouve les albums... Ils sont là, voilà, il y a eu 5 albums, donc 2011, 2013, 2015, 2018 et 2023. Donc moi, je pense qu'au moment de la saison 2 du podcast, on était jusqu'à Polaris. Donc depuis, il y a eu Sonder et War of Being, et c'est sur War of Being que je vais revenir. Oui. Parce que je pense que c'est celui-là où, en tout cas pour moi, j'ai le plus à dire. Donc ce qui est intéressant, qui est sorti en 2023, War of Being, donc c'est que c'est un album conceptuel. Donc... l'histoire derrière cet album, elle vient du bassiste. C'est le Dream s'est écrasé et X et L se réveillent pour se retrouver dans le Strangeland face à un ennemi connu simplement sous le nom de Fear. Les deux sont séparés et ainsi commence le voyage de War of Being. D'accord. Donc pour le concept, ce qui est intéressant, c'est que c'est plus ou moins venu d'une image qui lui est apparue dans la tête du personnage X. Et tout a découlé de ça. L'image était dans son esprit et représentait ce personnage allongé sur le dos dans des mares d'eau noire au milieu d'un paysage rocheux dans le style islandais. C'était comme s'il se réveillait quelque part sans savoir comment il était arrivé là. Ça faisait écho à ce que je ressentais à cette période et ça s'est vraiment déployé à partir de là. Si tu regardes la théorie du chaos par exemple, les systèmes les plus compliqués ont les origines les plus simples qui soient. Comme j'étais libre de penser dans toutes sortes de directions à partir de cette seule grande idée, tout est sorti. C'était un sacré processus pour être honnête. Ce n'était pas forcément comme un flux de conscience, mais une fois que ce robinet était ouvert, il n'a pas arrêté de couler. D'accord. Et en fait, le concept, ça se veut une métaphore des conflits intérieurs qu'une personne traverse au cours de sa vie. Voilà. Donc, et le bassiste explique, oui, bah, pour moi, ça serait ça, mais pour le chanteur, ça peut être sa relation avec sa femme. Ça, vrai. Voilà, ça peut être un truc. Et en gros, le premier morceau, War of Being, c'est une espèce d'énorme pièce centrale qui dure 11 minutes, et c'est une sorte de truc global, c'est presque le subconscient du Strangeland, dont le personnage nommé Knowledge, qui est un peu la voix, l'écho du Strangeland, son autoréalisation qui voit cette histoire de ses propres yeux. Il voit ce qui se passe, il veut aider ou changer les choses, et dans bien des cas, il juge également. C'est presque la voix dans ta tête qui est là derrière que tu écoutes, c'est le personnage qui parle presque tout au long de War of Being. Tu vois, donc, c'est un peu... Ils sont un petit peu, comment dire, ils ont été au bout de leur, enfin, de ce concept un petit peu, qui est une espèce d'opéra rock selon eux. Mmh. Et en plus, il a même été, décliné sous la forme d'un jeu vidéo qui est sur Steam. Ah ouais? War of Being, c'est sur Steam, c'est qui a été développé. C'est un jeu qui a un rapport aussi avec l'album. Ah bah complètement, ouais, qui est dans le. Et il a été développé par le chanteur Daniel Tompkins, d'accord. Okay. Et bientôt, il y aura une nouvelle écrite par le bassiste d'où on vient lui le projet. D'accord. Voilà. Et du coup, dernier album, c'est parce que là, j'ai en fait le War of Behind là. Ils ont sorti Radar Host après. Ouais, qui est une espèce de. C'est War of Behind, mais avec un espèce d'orchestre vocal. Un truc en image de synthèse à moitié aussi, je crois. Il y a toute une espèce de truc comme ça. Ouais, ok. Ouais. Ouais, c'est comme une espèce de bande de bande originale, je crois. Ok. Si je dis pas de bêtises. Ok. Je me suis pas penché là-dessus, mais c'est une espèce de projet visuel, je crois. Ouais. Je voudrais pas, mais peut-être que c'est ça, c'est Chouard Noir, c'est un espèce groupe de chanteurs lyriques. Ouais. Mais c'est vrai que sur scène, tu les vois avec des choristes un peu, des choristes plutôt, qui viennent rajouter ça derrière, voilà. Donc voilà, moi, ce que j'avais un peu à te dire, grosso merdo sur Tesseract, vite fait, bien fait. Ouais. Maintenant, toi, je vais te demander, bon, je suppose que pour toi, c'était une découverte. Ouais. Et donc, avant de te redire moi ce que j'en ai pensé, toi, qu'est-ce que t'as pensé de Tesseract, sachant que le Djent, je pense pas que tu sois forcément réfractaire à ce style. Ah non, du tout. Ah, du tout. Au contraire, je trouve ça, moi, j'adore. Enfin, vraiment, les styles Djent, en fait, c'est vraiment le, comment dire? C'est vraiment ce qui m'attire dans le groupe, le côté djent justement. C'est vraiment un truc trop cool, les rythmiques, la grosse basse, c'est vraiment ce que j'adore. Dans l'ensemble, j'ai tout adoré en vrai. Ouais. Si tu laisses je vais pas aller directement. Non, ne va pas directement, ne va pas. On le sait, on se sait. Voilà, mais c'est vrai que non, voilà, si tous les albums que j'ai déroulés, tu j'ai adoré. Bon, après, j'avoue le Radar Host, je l'ai particulièrement kiffé. Ah ouais? Ouais. Je vais te dire pourquoi parce que j'espère. On va aller directement au vif du sujet, voilà. Aïe. J'ai adoré, mais c'est vrai que en fait, dès que la voix et dépasse les 5 secondes, il y a certains groupes, tu me les mets juste en post-metal, ça va, tu vois, la voix des fois ça matche pas, qu'est-ce que tu veux ça. Et ben c'est un peu le cas avec Tesseract en fait. La voix ça matche pas, ça t'envoie un son mais dans la gueule quoi, vraiment. Mm. Et puis t'as la voix qui vient te mettre des petits coups de miel comme ça. C'est tout doux, c'est mignon. Et je sais pas, le contraste, moi, pour le coup, je matche pas trop, là, pour le, C'est con parce que je me retrouve devant musicalement, je m'éclate. Hein, bah ouais, je me doute, c'est me vraiment fun. J'adore ça, le djent, c'est excellent. Mais ouais, la voix, ça match moins. Et c'est pour ça que le Radar Os, pour le coup, bah vraiment, il est sorti du lot. Alors je pense que c'est les choristes qui ont apporté une autre dimension au truc. Et là, ça match mieux. Dans ouais. le sens où vraiment, admettons, Chouard Noir ferait partie de la troupe. Ouais, ça te plairait plus. Ça m'aurait beaucoup plus. Ouais. Je pense que le mix de tout ça, j'aurais plus adhéré. Ouais, ouais, non, mais c'est marrant ce que tu dis parce qu'en fait, il y a un petit peu le syndrome metalcore moderne comme nous on n'aime pas où des fois on peut dire putain ça envoie et le chant vient un peu. Ouais. Alors c'est même pas qu'il chante mal, hein, c'est pas du tout non, ça. Non, pas du tout. Mais c'est ça. En fait, les propositions de chant. Je trouve que ça se marie pas du tout, quoi. Bah avec le gent, donc, ouais, ça, je sais pas, c'est... Bah, si tu veux, si on devait faire une petite comparaison rapide, si on peut prendre Ginger, qui représente un peu aussi un peu de gent, la voix vient bien mieux ramener quelque chose de plus intéressant. Ouais, mais ça fait pas, hein, j'aime pas le terme, mais ça fait moins, ça fait pas mielleux, tu vois. Non, c'est pour ça. Il y a un truc côté, que là, il y a un truc, je sais pas, ça veut faire quelque chose de beau. Ouais. Là où le gent a pas forcément ce besoin, sans forcément que ça fasse quelque chose de sale, hein, c'est pas ça. Bien mais sûr. Là, il y a un truc, je sais pas. Je suis complètement d'accord avec toi. Moi, en plus, pendant que je préparais cette capsule et que j'ai vu qu'il y avait plein de départs de chanteurs, je me dis putain, mais à chaque fois, c'est ça qui merde. Et en fait, non, ça, parce que les dates, ça joue pas trop sur les moments où il est pas là, Daniel Tompkins. Donc vraiment, moi, c'était vraiment ça qui me retient, quoi. Et ça m'a autant plu de découvrir un peu l'histoire du groupe, autant musicalement, bah la voix de Daniel me pose problème, quoi. Donc, non, il aurait fallu que ça soit un groupe de post-gent. D'accord. Et là, c'était parfait. Ouais, mais... Donc voilà, après, je m'attends pas forcément à un changement d'avis sur un live, tu vois. Ouais. Il y a des groupes, des fois, où tu te dis, ah, je me laisserais bien tenter par un live, je serais pas à l'abri d'eux. Là, c'est sûr que j'en prendrais plein les oreilles, parce que voilà, le gent, je trouve ça toujours impressionnant de... T'en prendrais plein. Ouais. La vue en main stage aussi. Ouais, mais cette année. Hein. Oui, cette année. Donc bon, je pourrais rester sur un faire un tour, mais sans conviction en vrai. D'accord. Tu vois. Donc on va pas content quand même de la découverte. Ah oui, totalement. Parce bien que sûr. Bon, non, mais moi je reste toujours très ouvert. Non, c'est vrai. Et c'est puis vrai, en c'est plus, vrai. Je te dis, hein, vraiment le côté gent, il est vraiment excellent. Ah, il est très bien. Là-dessus, c'est carré, c'est carré. Ouais. Non, mais ça c'est carré. C'est... Par rapport au Tesseract. Bah écoute, Tenaille, on n'arrivera pas à te convaincre, mais ça tombe bien parce que j'allais pas essayer. Ah, moi non plus, j'irai pas. Beaucoup. Non, bah, en fait, tu vois la limite du truc. Je veux dire, tu vois, là, par exemple, t'as dit tout ce que je pourrais te convaincre, c'est-à-dire musicalement, t'adores. Bah, moi aussi, je trouve ça bien. Mais le chant vient, c'est pas gâché, c'est vient juste nous montrer que, bah non, en fait, c'est ce mélange-là ne marche pas pour ouais, nous. Ouais, bien sûr, c'est ça, hein, complètement. Donc, pas de Tesseract pour nous, puis ouais. Bah, on en restera là, hein, écoute. Bah, bien sûr. Bah écoute, je te dis à la prochaine capsule. J'espère alors. J'espère qu'on va pas trop se faire lâcher. Oh, j'adore tout ça. Je pense pas. Hein, t'es sûr? Écoute, jamais, hein. Non, je pense pas. Je pense qu'on arrive déjà dans les groupes un peu moins populaires. Tesseract, ils sont. Ah ben j'ai pas noté combien ils étaient écoutés, mais je pense qu'ils sont quand même. C'est un peu mid, je pense. Tesseract. Un peu middle. J'ai pas regardé en plus où ils étaient placés sur l'affiche. Parce qu'il y a ce truc-là aussi. Tiens, j'en profite. On prend 30 secondes pour dire. Est-ce que tu penses que dans les capsules, faut que je te dise il y a qui en face ou pas? Toi, ou est-ce que ça va pas altérer un peu ton avis? Il faut pas plutôt que tu restes en mode ah. Ouais, non, je pense pas que ça. Non. Non, restons comme ça. Oui. Et bon, écoute, merci beaucoup, Tenaille. Au plaisir. On se retrouve bientôt. Ça marche. Très Allez, bientôt. Salut. Ah, j'en